Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Ich weiß nicht, ob sie an diese mir böse sind. Ich weiß nicht, ob sie an diese mir böse sind. Montrez-moi où est l'enveloppe. Weißt ma, wo t'enveloppe aus? Weißt ma, wo t'enveloppe aus? Montrez-moi où est la clé. Weißt ma, wo de Schlüssel aus? Weißt ma, wo de Schlüssel aus? Montrez-moi où est le rasoir. Weißt ma, wo de Rasierer aus? Weißt ma, wo de Rasierer aus? Montrez-moi où est le verre. Weißt ma, wo de Glas aus? Weißt ma, wo de Glas aus? Montrez-moi où est le crayon. Weißt ma, wo de Crayon aus? Weißt ma, wo de Crayon aus? Montrez-moi où est le téléphone. Weißt ma, wo den Telefon aus? Weißt ma, wo den Telefon aus? Montrez-moi où est la montre. Weißt ma, wo Dauer aus? Weißt ma, wo Dauer aus? Montrez-moi où sont les ciseaux. Weißt ma, wo Chair aus? Weißt ma, wo Chair aus? Montrez-moi où est le peigne. Weißt ma, wo de Kamm aus? Weißt ma, wo de Kamm aus? Montrez-moi où sont les lunettes. Weißt ma, wo de Brille aus? Weißt ma, wo de Brille aus?